au plus offrant. Que me reste de pire à perdre en y pensant? Je marche dans la rue et je n'ai peur de rien, car le fruit défendu, je l'ai mangé sans frein. J'ai parcouru les villes, j'ai usé les trottoirs. De mon allure tranquille, j'ai squatté les comptoirs. Loin de ma triste mine, séparé le carrosse, mes rêves de gamine sont bouffés jusqu'à l'os. J'ai parcouru des lieux et j'ai parcouru des gens. Dans mes cuissards de bleu, couleur de l'océan, j'ai détaché mes yeux inexpressivement. Je donne ce qu'on veut et je suis ce qu'on prend. Avec mon cœur cramé, un jour on retrouvera un petit tas de fumée, des accès sous les bras. Rien de catastrophique, juste une fille de plus, une vie famélique à le pas de vos rues. Une sorcière affreuse, une poupée cassée, une petite fille joyeuse, si vite effacée. Un sourire, un été, des chaussures mouillées, ce moment oublié, on ne pas regretter. La confiance puis la peur, la violence des hommes, les sourires trompeurs au goût bleu hématome. J'ai vendu mes sourires, mes bras au plus offrant. Que me reste de pire à perdre en ligne?